Après-demain, en allemand, se dit übermorgen, littéralement au-dessus de demain. Über, comme dans le prénom Uber, c'est au-dessus. Über. Über. U umlaut B-E-R. Über. Donc, encore une fois, après-demain, c'est übermorgen. Übermorgen. Oui, c'est après-demain. Übermorgen. Avec über. Über qui signifie au-dessus. Überfahren, c'est ainsi écraser quelqu'un ou quelque chose. Überfahren. Mais vous pouvez trouver des mots avec über où l'accent est placé sur über. Alors, reprenons. Aller, aller là-bas, se dit dort. Attention, il s'agit de la direction vers laquelle on va. Dorthin gehen. Dorthin gehen. Oui, ce hin indique le mouvement, la direction vers laquelle vous allez. Par exemple, vous pouvez dire « je veux aller là-bas ». Ich will dorthin gehen. C'est-à-dire « je veux aller vers là-bas ». Dorthin. Mais vous pouvez aussi dire « ich will hingehen ». Hin est un préfixe qui se colle au verbe. Hingehen. Ce qui est la même chose que « ich will dorthin gehen ». Je veux aller là-bas. Mais le hin s'est fixé devant gehen, dont il est devenu le préfixe. De la même manière, ich will hinfahren, c'est je veux aller là-bas lorsqu'on voyage en voiture. Donc, si on est à pied, comment dira-t-on je vais là-bas? Ich gehe hin. Ich gehe hin. Bien. Si on est en voiture, on dit ich fahre hin. Donc, comment diriez-vous « je vais là-bas » si vous êtes en voiture? Ich fahre hin. Ich fahre hin. Donc, « hin », c'est « vers là-bas ». À l'opposé, si vous faites référence à quelque chose qui vient de là-bas, vous avez « her », « vers ici ». Vous avez eu l'occasion de me dire « venez ici ». Comment disiez-vous « venez ici » ? Kommen Sie her. Her. Kommen Sie her. Oui, vous avez tout à fait raison. Her, vers ici. Kommen Sie her. Kommen Sie her. Vous pouvez aussi dire Kommen Sie hierher. Venez par ici, vers ici. Mais là, vous insistez sur ici, here. Donc, Kommen Sie hierher, hierher, ou simplement Kommen Sie her. Le verbe à l'infinitif c'est herkommen. Alors vous voyez que hin indique un mouvement d'éloignement, hin, vers là-bas, et son opposé, her, indique un mouvement dans l'autre direction, vers ici, her. Ces deux petits mots, hin et her, sont très importants parce qu'ils apportent un élément de mouvement supplémentaire qui vient s'ajouter au verbe. Ceci est surtout vrai pour her. D'ailleurs, her peut subir des modifications et vous pouvez trouver herein, vers ici, à l'intérieur. Par exemple, hereinkommen signifie entrer. Donc, kommen Sie herein signifie entrer. Veuillez entrer.